Chapitre 6e. Le diamant rose. Le domestique introduisit dans le cabinet de travail une visiteuse. C'était une bonne dame d'un âge assez avancé, avec des cheveux blancs encadrant un visage régulier et suffisamment affable. Elle était vêtue d'un costume noir de bonne coupe, l'apparence en somme d'une bourgeoise, d'une petite rentière parisienne, comme on en voyait autrefois. Martin Numa l'enveloppa de son regard scrutateur. Tout en lui désignant un siège à côté de sa table à écrire, il l'étudiait et l'analysait ainsi qu'il avait l'habitude de faire pour toutes les personnes qu'il voyait pour la première fois. La bonne dame, avant de s'asseoir, salua encore Martin Numa et lui demanda « Est-ce bien, monsieur Martin Numa, que j'ai l'honneur de parler ?»« Oui, madame. Que puis-je faire pour votre service ?»« Voici, monsieur. J'ai recours à vous parce que je connais votre réputation d'habileté et que vous seul, vous pouvez, dans cette circonstance difficile, me tirer d'embarras, m'enlever tout souci et arriver en somme au résultat que je désire. » Martin Numa s'inclina, disant « Je vous écoute, madame. » « Figurez-vous, monsieur, que j'ai à mon service une cuisinière depuis fort longtemps et une femme de chambre depuis moins longtemps. Sur la cuisinière, qui fait les plats nécessaires à mon estomac délicat, je sais à quoi m'en tenir. C'est une brave femme, une excellente personne, qui m'a toujours montré beaucoup de dévouement et dont je ne puis mettre en doute le caractère de l'attachement qu'elle m'a sans cesse manifesté. Bien, madame. Quant à la femme de chambre, qui est depuis moins longtemps chez moi, je n'ai eu jusqu'à présent qu'à me louer de ses services. Mais je ne suis pas aussi sûr d'elle que je puis l'être de l'autre. Or, voilà où cela devient très délicat. Parce que si j'ai affaire à une brave femme, comme l'est ma cuisinière, je serais désolé de porter sur elle un soupçon, de lui faire du tort dans sa réputation, et aussi de me priver par là même d'un bon serviteur. Vous savez, monsieur, combien il est difficile aujourd'hui d'être servi convenablement. » La bonne dame poursuivit vivement. « Voyez-vous, avec le gouvernement que nous avons, il n'est pas possible d'avoir confiance dans ces domestiques. Et encore, monsieur, je ne veux pas chez moi de valet de chambre, parce qu'ils s'imaginent qu'en tant qu'électeurs, ils ont le droit d'être insolents avec leur maître. Tant que les femmes ne seront pas électeurs, nous aurons encore la ressource de pouvoir nous faire obéir. Mais vous verrez qu'on en arrivera à faire voter les femmes, et alors, nous, malheureux maîtres, quand elles se mettront en grève, nous serons obligés de nous passer de leurs soins. Je me demande comment nous en passerons. Tout s'en va, monsieur, la religion, la morale, et jusqu'aux rentes qui diminuent de plus en plus. » Martin Numa écoutait avec la plus grande patience la tirade de cette bonne dame, mais enfin, prévoyant qu'elle allait lui faire une profession de foi politique et religieuse, il jugea bon d'y couper court dès les premiers mots. Il dit à la visiteuse « Madame, excusez-moi, mais je suis excessivement pris. Non seulement mes heures, mais mes minutes sont comptées. Voici mon ami, qui vient me chercher pour une affaire très urgente. Je vous prie de me pardonner si je ne puis vous consacrer plus de temps, mais cela m'est tout à fait impossible. » « Je comprends, monsieur, je comprends, et je vais être brève. » « Bien, madame, je vous en serai reconnaissant. Dites-moi ce dont il s'agit. » « Voilà, monsieur, c'est un conseil qu'on m'a donné. Des gens qui vous connaissent, qui savent que vous avez une adresse, une habileté tout à fait supérieure pour retrouver les criminels, les voleurs, les assassins. C'est cette affaire de ce garçon de recette disparu et que vous allez retrouver un de ces jours-ci qui a fait penser à vous par mes amis. C'est eux qui m'ont donné votre adresse, qu'ils ont eu, je crois, chez un avocat ou chez un homme d'affaires, lequel, d'ailleurs, se chargera lui-même de ma cause au tribunal. » Martin Numa salua encore et dit « Madame, venons-en au fait. » « Oui, monsieur, oui, nous y arrivons. Vous êtes le roi des détectives, et alors je crois qu'il vaut mieux que je m'adresse à vous, parce que j'ai plus de chances d'arriver à un bon résultat, à une bonne solution. Je vous remercie, madame, des compliments et de la bonne opinion, mais je vous en prie, arrivons au fait. » « Voilà, monsieur. J'avais une bague ornée d'un diamant de couleur rosée. Vous savez que c'est assez rare, que c'est très précieux, bien plus précieux que le diamant bleu, car le diamant bleu peut, à la rigueur, n'être pas un diamant authentique. Le diamant rose doit toujours être un diamant. Il est impossible d'avoir des rubis assez clairs pour qu'ils passent pour des diamants. » « Il paraît, madame, mais venons au fait. J'avais donc laissé ce diamant qui me vient de mon grand-père, lequel l'a acheté aux Indes. Je l'avais laissé sur mon piano, car je suis musicienne, et j'ai oublié ce diamant il y a quelques jours. Quand on a fait le salon, j'ai cherché mon diamant et je ne l'ai pas retrouvé. » Martin Numa dit alors, « Et vous supposez que la femme de chambre qui a fait le salon a pu l'avoir détourné ?»« Hélas, monsieur !» s'écrie la bonne dame, en levant les bras au ciel. « Justement, c'est ce que je ne voudrais pas croire. Je voudrais rentrer en possession de mon diamant, sans cependant accuser ma domestique, car je ne sais pas si elle est capable de me voler. Et d'un autre côté, je crois qu'il y a qu'elle ait pu faire le coup. Vous voyez, monsieur, dans quelle situation je me trouve ?»« Je comprends, madame, je comprends. Ensuite ?» Je n'ai pas voulu déposer une plainte, parce que si ce n'est pas elle qui a détourné mon diamant rose, je m'expose à des frais, à des démarches, à des dommages-intérêts. Ça peut n'en plus finir. Puis en somme, je déshonore une brave fille, d'autant plus qu'elle me quitterait, et d'autant plus que pour avoir un domestique, c'est une affaire d'État, monsieur. » Martin Numa l'interrompit. « Alors, madame, vous me chargez de retrouver ce diamant ?»« Oui, monsieur. On m'a dit qu'il n'y avait que monsieur Martin Numa capable d'éclaircir cette affaire. » Qui en paraissant très simple est cependant très difficile, car je tiens beaucoup à ce diamant de famille, qui est un beau souvenir. En même temps, je tiens à ma tranquillité. Je tiens à voir autour de moi des domestiques de bonne conduite, dont je sois sûr, et qui ne me volent pas. Rien n'est ennuyeux comme changer de domestique. Et voir qu'ils vous volent, et vous savez qu'avec les mœurs d'aujourd'hui, on est fort exposé à ce désagrément. Voyez-vous, on n'a plus d'instruction, plus d'éducation, plus la religion d'autrefois. » Martin Numa l'interrompit encore. « Madame, je dois vous dire que je ne peux rien pour vous. » La rentière sembla s'affaisser, anéantie, dans son fauteuil. D'un geste désespéré, d'une voix larmoyante, elle dit « Mon Dieu, monsieur, si vous ne pouvez rien faire pour moi, alors que vais-je devenir ? Je regrette. Moi qui comptais tant sur vous, moi qui espérais que vous me sauveriez, ah, monsieur, ayez pitié de mes cheveux blancs. Voyez dans quel émoi je suis. » Je ne vis pas depuis que ce diamant a disparu. Car si je suis entouré de malfaiteurs, ce n'est plus ma fortune qui est en jeu, c'est moi, c'est ma vie elle-même qui est exposée. Madame, déposez une plainte en règle au parquet, alors on me désignera. Jusque-là, je ne pourrai rien faire. Mais enfin, monsieur Martin Numa, à titre privé, en tant que simplement Martin Numa, rendez-moi ce service. Venez chez moi faire une enquête, afin de me rassurer, car je n'ose plus rentrer. On ne peut pas vivre tranquillement quand on sait qu'on a toujours autour de soi une cuisinière qui peut vous voler et une femme de chambre qui ne laisse pas traîner les diamants. Il faudrait porter tous ses bijoux sur soi, toute son argenterie aussi, toutes ses pièces de valeur. Alors on ne pourrait plus vivre. » Martin Numa réfléchit un moment, puis dit « Eh bien, madame, par sympathie pour vous, car je vois dans quel état d'inquiétude, de nervosité vous vous trouvez. « Oh oui, monsieur !» Je consens à faire exception à votre faveur, et je vais, dès demain, commencer chez vous une enquête discrète, afin de savoir ce qu'a pu devenir votre diamant rose. Lorsque j'aurai vu si le diamant a été simplement égaré ou détourné, et j'espère n'être pas long à établir l'un ou l'autre de ces cas, je vous laisserai déposer une plainte nécessaire et l'affaire suivra son cours normal. Ah oui, monsieur, je vous remercie infiniment. Vous me sauvez la vie. Me voilà tranquille. Mais ne pourriez-vous dès ce soir commencer votre enquête? Il ne faut pas perdre de temps. Les voleurs vont vite. Ils prennent de l'avance et, si mon diamant court encore jusqu'à demain, la distance sera plus grande et nous aurons moins de chances de le rattraper. Faites un effort, monsieur, je vous en supplie. Venez au moins ce soir. » Martin Numa consulta un petit carnet qu'il avait dans sa poche et dit « Eh bien, madame, je remettrai une course que j'ai à faire ce soir. Voyons. » « À quelle heure pourrais-je me présenter chez vous ?»« Mais, monsieur, quand ça vous plaira, à 7 heures, à 8 heures, 9 heures, pas plus tard, cependant, parce qu'à mon âge, on se couche tôt, dès que le sommeil vous prend. Or, je voudrais être là quand vous commencerez vos perquisitions. Il faut que je sois présente quand vous viendrez. Il faut que j'écoute vos déclarations. »« C'est juste, madame. Si vous voulez, comme je suis pris jusqu'à 8 heures, je viendrai chez vous à 8 heures et demie. » Et j'espère que vous pourrez, à votre habitude, vous coucher à 9 heures. Croyez-vous qu'une demi-heure vous suffise ? Je l'espère, madame. Ah, mon Dieu ! Si vous pouviez réussir, et j'en suis certaine, monsieur Martin Numa, vous réussirez. Vous rendrez la vie à une pauvre femme qui n'a plus d'espoir qu'en vous et qui ne vit plus que parce qu'elle sait que monsieur Martin Numa va s'occuper d'elle. Vous avez bien pris mon adresse, n'est-ce pas? Rue du Débarcadère. J'occupe là un rez-de-chaussée, car je ne monte les escaliers qu'avec peine et grande difficulté, et que dans l'ascenseur, la tête me tourne. J'occupe le rez-de-chaussée, un appartement avec un petit jardin, où je fais pousser des marguerites, des bégonias et des cœurs de Jeannette. Bien, madame, je serai chez vous à 8h30 précise. La bonne dame prit congé, se confondant en remerciements, renouvelant ses protestations de reconnaissance, et enfin se retira. Martin Numa la reconduisit jusqu'à la porte et vint me rejoindre dans son cabinet de travail. Puis il me dit en se campant devant moi « Qu'est-ce que vous pensez de cette visite, mon cher Courville ?»« Mon Dieu, dis-je, je ne sais trop. Cette femme-là, tout bonnement, a été volée par sa domestique où elle a égaré son diamant rose. » Martin Numa eut un sourire et répliqua « Mon cher Courville, vous êtes en infériorité ce soir. » Vous vous êtes laissé prendre à l'allure, aux cheveux blancs, au visage ridé, au babillage de cette femme, et vous n'avez pas vu plus loin que le bout de votre nez, qui ce soir vraiment manque de flair. Comment cela? Mon cher, quand on vole un diamant dans une maison, la première chose que fait le volé, c'est porter plainte au commissaire de police de son quartier. On ne s'avise jamais d'aller chercher un détective comme moi pour une affaire pareille, car on sait très bien qu'un détective comme moi ne peut marcher qu'avec un ordre de ses chefs directs, et l'on se doute que cette affaire d'un bijou volé n'est pas assez importante pour déranger le détective occupé à d'autres besognes beaucoup plus sérieuses. Très juste. Or, cette bonne femme vient directement chez moi. Elle me dit que c'est à la suite de l'aventure de la recherche du garçon de recette disparu que j'ai rappelé l'intention des personnes qui lui portent intérêt. Or, remarquez que je n'ai pas encore retrouvé le garçon de recette, et que ce n'est pas là une note en ma faveur. Cependant, outre cela, elle me parle d'hommes d'affaires, d'avocats qui prendront sa cause, de gens qui me connaissent, et elle oublie simplement de me donner le nom de ces personnes, afin de me mettre sur la voie et de me dire à quel genre de monde elle appartient. En dernier lieu, de me renseigner sur elle-même. Très juste, très juste. Je poursuis. Remarquez qu'elle a d'abord fait l'éloge de sa cuisinière, dit qu'elle était sûre d'elle, absolument sûre, que depuis de longues années, cette brave femme, ce cordon bleu, qui lui a fait des petits plats dont s'accommode très bien son estomac, la sert avec un dévouement qui n'a jamais varié. Or, dans le dernier moment, elle n'en était plus sûre du tout, et elle l'accusait presque au même degré que la femme de chambre en qui elle n'a qu'une confiance très limitée. Je l'ai remarqué, en effet. Cela indique deux choses, ou que cette radoteuse n'est pas sûre de sa cuisinière, ou que sa cuisinière n'existe même pas. Je ne peux m'empêcher de sursauter en entendant ce dernier mot. Martin Numa arrêta d'un geste la parole d'étonnement qui venait à mes lèvres et reprit. Elle a bafouillé pendant le quart d'heure qu'elle restait là. Elle a parlé de tout, politique, religion, morale, domestique. Elle a très peu parlé, en somme, du diamant qui semblait devoir tant la préoccuper, du diamant venu de son grand-père, rapporté des Indes, je crois. Diamant rose qui n'a jamais existé aux Indes, car s'il est des diamants roses, ils viennent du Cap, où on les trouve dans les terrains ferrugineux, parfois. Donc, erreur déjà sur la provenance du diamant, bijou qui peut d'ailleurs avoir toutes sortes d'origines, d'autant plus qu'il n'existe pas. Comment, comment? Je conclus, mon cher. On veut m'attirer par la recherche du diamant de cette bonne vieille sorcière à allure de petite rentière dans un guet-apens, d'où Martin Humain ne doit pas sortir vivant.